et voyez comment les choses s'arrangent. Tandis que le destin souriait ainsi à Bénézé, tout, au contraire, allait mal pour l'infortuné Damas. Ses verres à soie manquèrent, ses olives ne réussirent pas. Des bohémiens, qu'il n'avait pas voulu loger, incendièrent ses gerbiers sur l'air. La crue emporta son moulin, et un banquier peu scrupuleux acheva de lui enlever ce qui lui restait de fortune. « Canaille !» pensait Bénézé. « Il aura deviné, ou bien quelqu'un lui aura dit que je voulais l'avoir pour âne, et dès à présent, il s'arrache de façon que l'âne, là-haut, ce soit moi !» Adieu, le repos et la joie. Maintenant, Bénézé évitait de rencontrer Damas, qui toujours lui jetait, du moins, se l'imaginait-il, des regards narquois des singuliers. Déjà, Bénézé se sentait âne, et qui pillait l'âne de Damas. Il avait un bas, un bridon. Et Damas, le gros Damas, le menait à grands coups de trique par les chemins du paradis, non plus bordés, hélas, de frais buissons, fleuris d'étoiles, mais de chardons, durs et piquants, que sa mâchoire ne broyait qu'avec peine et où ses lèvres s'ensanglantaient. À la fin, pourtant, n'y tenant plus, Bénézé retourne à la cure. Monsieur le curé se promenait, en douillette, dans le jardin. Il lisait, tantôt son bréviaire, et tantôt, le livre fermé à demi, avec l'index entre les pages, il constatait, d'un œil paterne, les progrès de ses groseilliers.